Nyangi. Vendredi 11 juin, madame, monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine sujet à l'augmentation du capital. La société sucrière du Mousseau par le biais d'autres investisseurs. Vous l'entendrez en début de cette édition. Et 75% des arbres plantés sur 15 km dans le programme Weburundurambayan, commune Busoni de la province Kirundo, ont été déracinés, déplore le président du comité de ce programme. Et le reportage du jour nous conduira sur la colline et zone Kazirabageni de la province Makamba pour parler des jeunes à la recherche de l'emploi. Vous aurez également la chronique environnement dans cette édition mise en nom de par Séraphine Kizimana. Bonjour et bienvenue. Le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine propose l'ouverture de l'actionnariat de la société sucrière de Mosososumo aux investisseurs privés pour augmenter son capital. Ce conseil a également recommandé d'encourager la population en lui fournissant des semences de canne à sucre pour qu'à la fin elle puisse vendre la récolte à la Sosumo. Dans un compte rendu du dit conseil, le secrétaire général de l'État porte-parole a indiqué qu'il s'agit entre autres des recommandations du dit conseil après présentation de la feuille de route élaborée pour un projet d'extension, réhabilitation et modernisation de la Sosumo. On l'écoute. Les investissements à faire sur les trois années concernent l'installation d'un système d'irrigation, l'acquisition des engins et équipements agricoles, la modernisation du laboratoire, la redynamisation de la recherche agronomique. Le coût global de l'investissement s'élève à 105 993 995 058 francs. Pour une bonne mise en œuvre du projet, la feuille de route indique le chronogramme des activités qui seront réalisées, les échéances et les budgets y relatifs. À l'issue de l'analyse de la feuille de route, le Conseil des ministres a apprécié l'état d'avancement du projet ainsi que le chronogramme des activités. Il a néanmoins recommandé au ministre en charge de l'Agriculture et des Finances de collaborer avec la BRB pour séparer les activités qui peuvent être financées en monnaie locale ainsi que les besoins en devises qui peuvent être supportés par la BRB. Dans l'optique d'accroître la production du sucre au Burundi, il a été recommandé d'encourager la population dans la culture de la canne à sucre en lui fournissant des semences afin de vendre la récolte à la Sosumo. S'agissant de l'extension de l'usine, par l'acquisition de nouvelles machines, il a été demandé à la Sosumo de prouver d'abord qu'elle a suffisamment de matières premières que l'usine actuelle n'est pas en mesure de traiter, car le constat est que les machines sont au repos pour une grande période pendant l'année. Le Conseil des ministres a aussi recommandé d'envisager l'ouverture de l'actionnariat de la Sosumo au privé afin d'augmenter son capital. Il a été demandé au ministre en charge des Finances de poursuivre les contacts pour l'obtention du financement du projet en ce qui concerne les aspects qui nécessitent des devises. Concernant le projet de révision des textes régissant l'Agence de régulation et de contrôle des assurances ARCA, le Conseil des ministres l'a appelé à s'impliquer davantage dans le traitement des dossiers d'indemnisation des assurés. Il a recommandé aussi aux sociétés d'assurance de participer au projet de développement à l'instar des banques. Suivez-le encore une fois. Le nouveau projet apporte d'autres innovations, entre autres que tout le secteur des assurances soit représenté dans la commission de supervision et de régulation des assurances par une seule personne qui n'a pas d'intérêt à protéger dans ce secteur pour éviter des conflits d'intérêts afin de faciliter le travail de la commission. Le projet propose d'augmenter la durée du mandat des membres de la commission de supervision et de régulation des assurances à 4 ans au lieu de 3 ans pour se conformer au cadre légal en vigueur. Le projet accorde la qualité d'officier de police à compétence restreinte au secrétaire général et au cadre technique de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances. À l'issue du débat, le projet a été adopté avec, entre autres recommandations, d'éviter les détails en ce qui concerne le fonctionnement de la commission de supervision et de régulation des assurances pour les mettre dans un autre texte. Préciser dans le texte que la commission de supervision et de régulation des assurances joue le rôle d'un conseil d'administration. Veiller à ce que les contributions des sociétés d'assurance au fonctionnement de l'ARCA soient réservées au Trésor, quitte à l'État de lui donner les subsides suffisants pour son fonctionnement. L'ARCA devrait s'impliquer davantage pour que les dossiers d'indemnisation des assurés soient rapidement traités et de façon juste. L'ARCA devrait s'impliquer pour que les infrastructures publiques détruites par des véhicules assurés soient réparées le plus rapidement possible. Le Conseil des ministres a recommandé que les sociétés d'assurance participent elles aussi au projet de développement à l'instar des banques. Et incorporation définitive ce vendredi de 120 candidats officiers policiers à Mitakatakanzo en province Bubanza par le président de la République. Ces cérémonies se sont déroulées à l'Institut supérieur de police de Mitakataka, mis en place depuis 1981 en remplacement de l'ENAPO, École nationale de police à l'époque. Isanganiro. À 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. La population de la commune Boussonné en province Kirundo, notamment celle menant des activités agricoles sur le long du lac Chohoha, est mise en garde. Une mise en garde faisant suite au déracinement des plantes d'arbres pour y labourer des plantes vivrières, alors que cette commune est l'une des communes de cette province la plus touchée par les changements climatiques. Un constat du général-major Marius Ngendabanga, président du comité technique au sein du projet Weburundu-Lambaye, lors de sa descente ce mercredi, et pour évaluer l'état d'avancement du reboisement de ces arbres. Le point avec Abraham Safari. Dans sa descente ce mercredi en province de Kirundo, précisément en commune de Boussonné, le président du comité technique dans le programme national de protection de l'environnement Ewe Burundi Urambaye, le général-major Marius Ngendabanga, dit satisfait de façon générale de l'état des lieux des plants d'arbres plantés en province de Kirundo, spécialement sur les collines Kididiri et Mouviouko. Il regrette toutefois du comportement de certains agriculteurs riverains de la colline de Kibonde en cette même commune, qui ont déraciné des plants d'arbres pour y labourer des cultures vivrières comme les haricots, tomates, du riz et autres. Il les a mis en garde que quiconque sera attrapé en train de déraciner ces plants d'arbres alors que c'est dans la zone tempo, c'est-à-dire 50 mètres à partir du lac, qu'il sera sanctionné conformément à la loi, et surtout que cette commune de Boussonné est l'une des communes de la province de Kirundo les plus touchées par des changements climatiques. Cette autorité dans l'armée a fait savoir que à peu près 75% des plants d'arbres plantés sur une étendue d'environ 15 km ont été déracinés. Signalons ici que un des autorités collinaires avait également déraciné ces plants d'arbres pour y planter des plants de bananiers et ces derniers ont été également déracinés. Dans toute la province de Kirundo, à peu près 400 000 plants d'arbres ont été plantés depuis 2019 dans la politique Ewe Burundi Urambaye. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Restons au nord du Burundi, mais cette fois, c'est en province Ngozi où des enfants issus des familles rapatriées refoulées sont enregistrés au compte-gouttes à l'état civil en commune Marangara de cette province. La raison de cette telle réticence, selon certaines de ces familles, est la longue distance à parcourir, s'ajoutant au manque de moyens pour se rendre chef-lieu de cette province afin d'avoir une dérogation et demande par conséquent aux autorités habilitées une solution à ce problème. Le contrôleur provincial de l'état civil en province Ngozi promet d'en parler au gouvernement de cette province pour une probable décision collective à leur endroit, sachant que cette commune a déjà enregistré 1000 rapatriés répartis en 400 ménages. Le point avec Apollinaire Muzagara. La commune Marangara a déjà accueilli depuis 2002 1172 rapatriés et refoulés regroupés dans 496 ménages. Bon nombre des parents sont avec leurs enfants non enregistrés au service d'état civil, ce qui cause pas mal de difficultés à ces enfants quant à la recherche de certains documents nécessaires en cas de maladie ou pour se faire inscrire à l'école et même pour d'autres papiers délivrés par différents services. Ces parents avancent le problème d'obtention de la décision du gouverneur de province, documents nécessaires pour enregistrer les enfants ayant dépassé les 15 jours exigés à partir de la naissance. Et faire plus de 80 km pour faire Marangara Ngozi n'est pas chose facile. Du moment qu'ils n'ont pas de moyens pour s'acheter le ticket de transport, déplorent ces citoyens. Ils demandent à cet effet aux autorités habilitées de voir comment alléger cette tâche. Le contrôleur provincial de l'état civil conseille d'abord à ses parents le mariage officiel avant l'enregistrement de ses enfants, car bon nombre d'entre eux sont en union libre. Athanase Kivinakanwa promet d'en parler au gouverneur pour voir comment attribuer à ses parents une décision collective, du moment que la loi l'autorise en cas de motif fonde. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Sanganir. Parlons sport à présent. La 16e édition du championnat européen de la Coupe d'Euro des équipes nationales va démarrer le soir de ce vendredi dans la ville britannique de Londres. Le match d'ouverture opposera la Turquie et la formation nationale italienne. Ce championnat se déroulera dans les 11 villes européennes et prendra fin le 11 juillet de cette année. La récente édition a été remportée par l'équipe nationale de Portugal après avoir battu la formation nationale française sur le score d'un but à zéro, le point avec Evariste Nzikobanyan. Le championnat d'Europe de football est une compétition européenne entre les meilleures sélections nationales masculines de football organisées par l'UEFA. Imaginé dès 1927 par Henri Delaunay, il est créé en 1956 sous le nom de Coupe d'Europe des Nations. Il se déroule tous les 4 ans, alternant les années paires avec la Coupe du Monde. Sa première édition se tient en 1960. Il est rebaptisé championnat d'Europe des Nations en 1968 lors du changement de formule qui voit l'introduction d'une phase de poule au tour préliminaire. L'appellation générique simple Euro, utilisée couramment pour désigner le championnat d'Europe des Nations, figure sur le logo officiel de la compétition depuis 1996. La première Coupe d'Europe des Nations débute sous un format classique de coupe à élimination directe où les équipes suivies de huitièmes de finale et quart de finale. Les quatre demi-finalistes issus de cette première phase décide d'un pays hôte pour y disputer le tournoi final comprenant les demi-finales, le match de la troisième place et la finale. Lors de la seconde édition en 1964, la compétition a été perturbée par des enjeux politiques. En effet, la Grèce refuse d'affronter l'Albanie en raison d'un conflit entre les deux nations. La phase finale a lieu en Espagne où la sélection ibérique bat son homologue soviétique tenante du titre de buts à 1 à Madrid devant 125 000 spectateurs. La 16e édition pourrait être disputée en 2020 a été reportée cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Elle va se dérouler dans 11 pays européens, à savoir Angleterre, Russie, Azerbaïdjan, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Hongrie, Danemark, Écosse et Espagne. Le match d'ouverture est prévu ce soir à 21h entre la sélection nationale de la Turquie et celle d'Italie. La récente édition de la Coupe d'Euro a été remportée par l'équipe nationale du Portugal après avoir battu la sélection française sur le score d'un but à zéro. Poursuivons cette édition à 13h10 dans le studio de la radio Sanganiro. Les enseignements de l'école secondaire ou universitaire doivent répondre aux besoins existants lors de l'émission en synergie sur l'adéquation formation-emploi ce jeudi. Dali Ngarambe, un des jeunes qui a fait ses études à l'étranger, appelle les jeunes diplômés à renforcer leurs connaissances à travers d'autres expériences afin de trouver l'emploi. Cependant, le secrétaire de l'Association des industriels du Burundi déplore les défis auxquels fait face le centre de recherche. Eh bien, nous reparlons emploi des jeunes dans le reportage du jour. À la source, reportage. Les jeunes qui n'ont pas réussi leur vie dans leur province d'origine et ont migré sur la colline zone de la commune Nyanzalak en province Makamba disent s'être finalement épanouis. Certains migrants de Kazirabagene en provenance des provinces Gitega et Karoussi invitent d'autres jeunes à changer de milieu. S'ils échouent dans leur province d'origine, Padon Niukuri, chef collinaire de Kazirabagene, dit que sa colline a accueilli des jeunes originaires de toutes les provinces du pays, principalement les provinces Chibitoke et Karoussi. Notre reporter du jour est Ninibel Nibigir. Certains jeunes se trouvant à Kazirabageni de la commune Nyanzaraka en province Makamba expliquent avoir quitté leur province d'origine car ça ne marchait pas avec la vie chez eux. C'est le cas d'Albert Minani, surnommé Kibisi, provenant de la commune Gihogazi en province Karusi. À un certain moment, quelqu'un m'a amené à Kazirabageni après avoir constaté que la vie ne marchait pas à Gihogazi. Arrivé ici, je me suis occupé des travaux champêtres, puis j'ai fait le chargement de l'huile de palme dans les véhicules faisant le transport vers Bujumbura, Gitega ou d'autres provinces. En tout cas, la vie que je mène actuellement est assez bonne par rapport à Gihogazi. Eugène Sabimana, de la commune Chombo, venait de passer 3 ans dans le chômage. Aujourd'hui, il voit l'avantage de migrer à la recherche du travail. Il appelle d'autres jeunes à lui emboîter le pas. Donatien Haitangiye provient aussi de la commune Buraza, en province Kitega. Moi, j'ai quitté Buraza, étant encore célibataire, et je me suis décidé de migrer à la recherche du travail. Et j'ai vraiment réussi progressivement. Je me réjouis de m'être marié grâce à l'argent que j'ai pu récolter. Le chef culinaire de Kazirabageni affirme qu'à côté des jeunes natifs, il y a ceux qui s'y installent à la recherche du travail en provenance d'autres provinces comme Gitega, Karusi et Chibitoke. Parmi les jeunes qui sont ici, il y a des natifs et ceux qui proviennent d'ailleurs dans toutes les provinces du Burundi. Nous accueillons ceux qui ont abandonné l'école ou ceux qui ont échoué dans leur vie venant à la recherche de l'emploi. Ils travaillent et gagnent de l'argent. Un nombre important de jeunes qui ne sont pas natifs proviennent des provinces de Gitega et de Chibitoke. Arrivés à Kazirabageni, ils sont d'abord formés sur la bonne cohabitation sociale, indique Padon Yukuri, chef de colline Kazirabageni. Il fait également savoir que pour les jeunes de Kazirabageni, si ça ne marche pas avec la vie, ils préfèrent émigrer à l'extérieur du pays. Tout ce que nous faisons, nous les apprenons de ne pas afficher de mauvais comportements pouvant affecter les natifs. Sinon, nous les renvoyons d'avance pour assurer l'ordre sur notre colline. Parfois, nous les invitons dans des réunions pour les éduquer, car lorsque les jeunes d'ici échouent dans leur vie, ils s'émigrent vers les pays étrangers, en Tanzanie ou en République démocratique du Congo ou encore au Kenya, etc. Comme confirmé par l'administration collinaire à Kazirabageni, les jeunes déjà reçus en provenance d'autres coins du pays se comptent aujourd'hui à 100. Radio Isanganiro, chronique environnement. Place à la chronique environnement de ce vendredi. Les eaux usées non traitées, l'érosion du sol figurent parmi les principaux polluants des eaux des rivières et lacs au Burundi. Explication d'un professeur d'université et directeur adjoint du Centre de recherche en sciences naturelles et de l'environnement. Comme solution, Claver Sibomana propose le traitement des eaux usées et le strict respect du code de l'eau en vue de faire face à la pollution de l'eau. Le point avec Vestine Boutoy. Lors de la récente chronique, nous vous avions parlé des causes et des conséquences liées à la pollution de l'eau des rivières et lacs au Burundi. Maintenant, le professeur d'université et directeur adjoint du Centre de recherche en sciences naturelles et de l'environnement informe que les polluants dépendent de la situation géographique. Claver Sibomana explique que les rejets des eaux usées, des industries, ainsi que l'érosion du sol, figurent parmi les principaux polluants de l'eau. Ici chez nous, les principaux polluants que nous avons déjà identifiés sont les polluants organiques. Ce sont surtout les polluants qui proviennent des ménages, les rejets ménagers, les rejets industriels aussi. Et il y a aussi les polluants solides, comme les déchets en plastique ou bien les vêtements, ceux qui ne sont pas biodégradables plus. À Bujumbura, nous avons des nutriments qui sont annexés dans certaines rivières, comme la rivière Kinyangonge, comme la rivière Narangwa, qui traverse les zones les plus peuplées, mais aussi les zones avec des usines de transformation avec la plus grande densité. Les nutriments, ils sont les plus abondants, mais il y a aussi au niveau de certaines rivières aussi, là où il y a des usines, certains polluants, comme certains métaux lourds qu'on peut aussi voir. Et il y a aussi les sédiments qui proviennent du charriage de la terre par l'érosion dans les rivières qu'on observe surtout en saison de pluie. Les rivières ont des matières en suspension très élevées du fait de l'érosion qu'on observe dans la zone qui entoure la ville de Bujumbura. Ce chercheur en écologie des écosystèmes aquatiques et en biodiversité propose comme solution L'extension des centres d'épuration des eaux usées dans toutes les grandes villes du pays comme Bujumbura et le respect des lois en vigueur relatives à la protection de l'environnement, dont le code de l'eau. La première action serait la sensibilisation, parce que on voit vraiment que les gens ne sont pas assez conscients des problèmes de pollution dont ils sont eux-mêmes responsables, parce que parfois les gens jettent des déchets partout. Deuxième action à faire par les services du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, ça devrait être l'application de la loi et la surveillance des mesures de remédiation de la pollution de l'eau. Il y a des textes qui ont été élaborés. Il y a le code de l'eau, il y a aussi d'autres textes qui fixent les normes de rejet. Une autre mesure qui devrait être prise pour réduire la pollution dans la ville de Bujumbura serait aussi d'augmenter la capacité de la station d'épuration que nous avons à Buterere, qui est très importante pour la réduction de la pollution, mais qui est devenue insuffisante à cause de l'extension de la ville de Bujumbura, ou bien de construire une autre station d'épuration pour couvrir le reste de la ville de Bujumbura. Au cas où toutes ces propositions seraient mises en application, Claver Sibomana espère que la pollution de l'eau des rivières et lacs diminuera jusqu'à ce qu'elle soit éradiquée dans tout le pays. Point final à cette édition de la mi-journée de ce vendredi 11 juin. Merci de l'avoir suivi.